dit présentation de Paul Louis Weyer. En 1922, Paul Louis Weyer prend la tête de la société, à l'âge de 29 ans. Son père, industriel et banquier de Gnome et Rhône, avait fait venir en France les frères Wright au début du siècle, pour démontrer leur maîtrise du pilotage d'avions. Paul Louis Weyer, alors adolescent, avait fait son apprentissage dans leur sillage. C'est un passionné d'aéronautique. Pilote et navigateur, à de la Grande Guerre, il est l'initiateur du service de la photographie aérienne au sein de la toute nouvelle armée de l'air. Il fera de Gnome et Rhône le leader mondial des moteurs d'avions entre les deux guerres mondiales.